donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Jolly de A à Z, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, et c'est de sur RIG, évidemment, 90.7 si vous l'écoutez sur Bordeaux, et le RIGFM.fr si vous l'écoutez via Internet. Je suis très heureux de vous retrouver, oui, après trois mois de pause, je vous retrouve enfin pour cette nouvelle saison 2023-2024 de votre émission Jolly de A à Z. Et nous sommes à un mercredi, et pour moi, c'est le premier mercredi du mois, en quelque sorte. On va dire que ce sera l'émission en live que je vais vous présenter, le live de la rentrée de la nouvelle saison Jolly de A à Z. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va retrouver? Johnny Hallyday dans les années 60, 70, 80, 90, 2001 et 2010, on va retrouver tout ça. Oui, mais il y aura un peu de tout, hein. Il y aura du live officiel et il y aura aussi des tipiaques également. Ouais, mais ça je vais pas vous dire d'avance ce qu'il y aura au programme, vous allez découvrir au fur et à mesure. C'est ça le plaisir d'écouter cette émission de 22h jusqu'à minuit. Parlez-en donc autour de vous que l'émission Jolly de A à Z revient sur les antennes de RIG et puis il y en a encore pour longtemps, hein. On va commencer tout de suite cette émission avec Johnny Hallyday en live. On va le retrouver lors du Johnny Circus. Et pour vous dire que la qualité que vous allez écouter de ce document, c'est la qualité, on va dire, d'origine. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas rapide. Elle est à la vitesse normale. On écoute ça tout de suite. Je suis dans la rue de Johnny Hallyday pour commencer en 1972. Bonne écoute de cette émission Johnny de A à Z. tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. En espérant que cette soirée que nous allons passer ensemble, vous allez vous amuser. Vous savez, moi je ne suis pas venu ici ce soir pour travailler. Je suis venu. Je suis venu pour m'amuser moi aussi. D'abord, je veux faire un petit retour en arrière en 1961. En 1961, avec une chanson qui commençait comme ça. Comme on a beau s'en arrêter, je t'ai dit. Et devant, loin, loin, et devant moi. Oui, elle m'a dit adieu. Oui, après tout tant mieux. Oui, l'amour est un jeu. Et devant, loin, loin, et devant moi. Good to me. I got a woman way up a town.

toi dans l'allée noire. Une flamme qui montait chez moi. Je t'ai cherché partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir. Palais d'hiver, le 14 avril 1973. Ça aussi, ça fait partie de la collection Johnny Archive Live. Et vous écoutez Johnny de A à Z. Le mercredi de 22h jusqu'à minuit, on y reste toujours au palais d'hiver de Lyon avec le titre La fille aux cheveux clairs. D'abord,

sentira son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, oui, mais le temps tuera. Ambiance électrique au palais d'hiver de Lyon. Et à présent, nous allons revenir à une émission de John Hallyday sur France 2. Ça s'appelait Alcaline, qui a été diffusée, Alcaline le Mag, qui a été diffusé le 20 novembre 2014 avec deux titres, Restez vivant et Seul. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z, ici sur RIG et nulle part ailleurs. Se vouloir s'aventurer, laisser l'envie nous brûler. Jusqu'à sa liberté, se retenir, s'appartenir, et voir en l'avenir. On voudrait que ça dure encore un bout de temps, avant qu'un mot foute le camp. Et quand on aime, quand on en rêve, restez vivant, restez vivant.

J'espère que vous passez une bonne soirée avec Johnny Hallyday et dans cette émission Johnny de A à Z de la rentrée 2023-2024. On va écouter maintenant un autre Tipiak, Johnny Hallyday à la Cigale. C'était le 29 octobre 1994. Le titre que je vais proposer, Rough Town et It's a Long Way Home. Somewhere Johnny en 1994, à la Cigale, le retour en 1969 à Port-Bacarès. Deux titres que je propose, Fumée et Entre mes mains. Toute cette fumée, je cache à moi. Je reste là, ton parfum est si fort. les années passent et les années passent. Nous sommes à présent en l'an 2006, exactement à l'Olympia. Olympia 2006, lors du Flashback Tour, Johnny nous interprète sur cette scène-là J'ai oublié de vivre et Derrière l'amour. J'espère qu'elle va vous rappeler quelques souvenirs, en tout cas des souvenirs de disques. Cette chanson s'appelle J'ai oublié de vivre. Cette chanson pour les filles. Vous les garçons, vous pouvez l'écouter quand même. Mais cette chanson, mademoiselle, j'aimerais la chanter pour vous. Ça sera. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne. De pourquoi? Question que l'on se pose. Oui, il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur. Et des regrets et des rancœurs. Des souvenirs et et les visions des liens de l'enfant. Le loin qu'on gère pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi de me laisser. Qu'est-ce qu'il y a? oublier cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi de le détruire. J'ai besoin de te m'assurer et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris et de tes craintes. Exactement le 20 juin 1993. On va écouter le fameux duo inédit jusqu'à présent de John Hayden et Sylvain Vartan, Je veux te graver dans ma vie. Et on va écouter après L'envie avec Michel Sardou. J'étais tout seul, ça c'est parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Là, soudainement je suis tombé. Et comme ça, je suis resté à chaque instant de là pour le vivre. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne crois pas, tu ressaisis, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je te donne de ma vie. Dans ma vie. Yeah. J'aime courir, mais quand tu viens, je veux rester là. Moi, je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire tout ça. Tu es né pour ta voix. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble. et je ne voulais pas m'arrêter là, non. Ah. Une autoroute, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les tendres années. Merci pour l'émotion et l'amour depuis si longtemps. Et happy birthday, Johnny. Merci, Sylvie. Sylvie Vartan. Michel Sardou. On retrouve Johnny Hallyday lors de la tournée d'hiver 1982 pour un gala exceptionnel patronné par RFM et animé par l'ami Sam Bernett qui éprouvait alors de grosses difficultés financières pour sauver sa radio. Excusez-moi de ne pas être américain, anglais de Liverpool et même pas canadien. Pardonnez-moi encore, chantez toujours du rock and roll. Que l'Amérique qui fait de la musique, c'est mon premier sentiment patriotique. Pardonnez-moi encore, chantez toujours du rock and roll. J'suis à la guerre maudite, mais c'est la honte d'être né à Paris. Tandis que Little Man Blues et Blue Suede Shoes voyez le jour dans le Tennessee. Oui, y'a des filles ici qui ne trouvent pas ça si mal. Pardonnez-moi encore, j'en ai toujours le rock'n'roll. Don't turn. C'est l'émission de la rentrée Johnny de A à Z ici sur RIG. Et pour finir cette émission en beauté, voici en extrait la 500e émission de Taratata, le 24 octobre 2015, où Johnny interprétait deux titres, Gabriel et De l'amour. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Fini, et n'est pas moi. Je ne veux plus voir ton image dans tes yeux. Et 10 ans d'échelle sans voir le jour, c'était ma peine, pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Moi j'y refusais. Gabriel, tu frappes dans mon cœur cette illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu transformes les jours à la nuit. Moi je veux t'approcher et tu tournes le dos, tu t'en fuis. Je ne serai plus esclave de ta chaîne. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma part. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Moi j'ai refusé. De se sentir tombé, en pensée que tout était bien fixé. Et voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. de penser qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais la patronne ne veut plus me embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais tant, j'en avais trop pour nous deux. J'en avais trop pour nous deux. Et le chambre pour nous deux. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins oui se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ne t'aimais pas, ne t'aimais trop, je m'en veux. Ne t'aimais pas, ne t'aimais trop, je m'en veux. Et je chambre. Je m'en veux. Et le chambre. Nous ainsi s'achève l'émission de la rentrée 2023-2024 en live Johnny de A à Z. Je vous remercie tous et tous d'avoir écouté cette émission et n'oubliez pas que les podcasts sont là pour être écoutés, bien entendu. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour une nouvelle émission à l'IDL. A bientôt toutes et à tous, ciao ciao.